play your devil. Evil man, live or die. Come on, come on, come on, sur la corde sensible, altéré. Barricades ne feront rien. L'insurrection qui vient avec le temps, même tes barriques viendra le temps de avec le temps des avec barriques. Barricades ne feront rien. Tu verras le temps. Par contre, essayons de barrer les rues. Encore aride. Essayons d'arrêter le flux de la rue. De toutes ces marchandises. Exploiter. car de nos jours, peut-être porte-conteneur. Dans porte-conteneur, il y a porte. Et il y a conteneur. En vitamine. Se suicider. La crue. Regardez les réseaux sociaux. J'aime les synchroniser. Avant de vérifier. J'aime les synchroniser avec le ça. Sinon, ouais. Avant de vérifier par elle-même, elle aurait dû vérifier la fake news. Intoxica. Trop de messages, trop de messages. Plus le temps d'envoyer un message. Monter une stratégie. Think. Dans ce bal fin de siècle. Don't go.